cours numéro 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Hamoud al-Twijri rahmatullah alayhi wa qad rawa Abu Bakr al-Ajurri rahimahullah bi-isnadihi عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. On est toujours dans هذا الفصل المهم sur هجر والتحذير من أهل البدع والأهواء. Cheikh Hamoud il a conclu son livre في الولا والبراء sur les innovateurs, et في هذا الفصل il a cité des nukulat an a'immati as-salaf rahimahumullah wa mina al-masadir al-muhimma, c'est hada al-kitab, kitab al-shari'a de hada al-imam, al-imam Muhammad ibn al-Hussein Abu Bakr al-Ajurri rahmatullah alayh. Un kitab nafis jiddan, kitab al-shari'a, et il a montré manhaj ahli sunnati wal jama'a. Et il a cité beaucoup de athar. Et la plupart de هذه النقولات, ou celui qui veut des kalam de salaf fi هذا الباب, fi kitab al-sharia. كذلك, un autre kitab, et c'est une référence à l'Ibana, et l'imam Ibn Wattah, rahmatullah alayhi, al-Hanbali. C'est un kitab nafis. Il ressemble à kitab al-sharia. Il montre à aqidat al-salaf, ou à manhaj al-salaf, dans les noms et les attributs, dans le qadr, avec le gouverneur, et les points de aqidat. Lakin, c'est deux livres, et kadalik, le troisième qu'on va citer, c'est des livres avec des athar et des hadiths, bien sûr, du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, bil isnad. Na'am, fa kalam ha'oulal a'imma, il est qalil fil kitab. C'est comme Sahih al-Bukhari, des abwab et des hadiths et des athar. Et kadalik, le troisième kitab, c'est une référence, sharh usul, ahli sunnati wal jama'a, l'imam al-Lalaka'i, rahmatullah alayhi. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. سلامة القلب من أعظم النعم إلا من أتى الله بقلب سليم. سس من أعظم النعم. Donc هذا القلب لابد من المحافظة عليه. الإنسان يفريكونت با دي جون كي بوف لو فير دو مال مثلاً par rapport à ses biens, ou lui être la cause de lui faire du mal à son corps, lui donner des maladies, tu vas pas fréquenter هؤلاء الناس, ou des voleurs, ou des faussards. أهل البدع, ils font du mal au cœur avec leurs شبهات. فلهذا ابن عباس رضي الله عنه, il a fait cette نصيحة, لا تجالس أهل الأهواء, ne les fréquente pas. لماذا؟ لأن مجالستهم ممرضة للقلوب. الإنسان لا يأمن على نفسه. ربما إن كلمة. ربما إن شبهة. ربما إن parole. Elle rentre dans ton cœur et ton cœur يمرض. ثم t'es obligé de poser les questions. Est-ce que tu vas accepter la réponse أم لا؟ Est-ce que cette personne qui va te conseiller va réussir à te clarifier أم لا؟ فلماذا الإنسان يعرض نفسه لأمور خطيرة جدا؟ قال وروى أيضا بإسناده عن أبي قلابة الإمام رحمة الله عليه أنه قال لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وقد رواه الدارمي في سننه وروى أيضا أي الإمام الأجري رحمة الله عليه. لا تجالس أهل الأهواء كما قال ابن عباس رضي الله عنه ولا تجادلوهم. C'est quelque chose en plus. مجرد المجالسة c'est grave. ابن عباس رضي الله عنه قال لا تجالس أهل الأهواء. Même si tu t'assois et tu parles pas, c'est très très dangereux. Il y en a qui va parler. Ta'lamoun anna jami' an-nas ils font da'wa. Khassatan ceux qui ont des mabadi, qui ont des principes. Les yahoud ils font da'wa, an-nasara ils font da'wa, les chrétiens, les juifs, ahl sunna ils font da'wa, soufia ils font da'wa, rawafid ils font da'wa. Tout le monde fait da'wah. Chacun il appelle à ce qu'il croit et ce qu'il aime. Enfin, le fait de s'asseoir, c'est très très grave. Sans parler. فلهذا ابن عباس قال لا تجالس أهل الأهواء. أبو قلابة رحمه الله il a rajouté ولا تجادلوهم. Et ça c'est quelque chose en plus et c'est encore plus grave. الجدال, le fait de polémiquer. Et احذر من الجدال, même si c'est au nom de da'wah, c'est haram. Et c'est très très grave. بعض الناس ils font pas de da'wah, ils pensent faire de da'wah et c'est du jidal. La da'wah, c'est de montrer le haqq avec qala Allah, qala Rasul. Tu n'as pas besoin de fréquenter Ahl al-Bida'. Utlub al-ilm, écris des livres, fais des cours. Tu verras que Ahl al-Bida'a, ils écoutent. Al-Sunni, ils n'écoutent pas min al-Mubtadi'a. Amma al-Mubtadi'a, vu qu'ils n'ont pas d'ilm, ils sont obligés. Ils écoutent l'an, les doros du Cheikh Ibn Baz, du Cheikh Al-Albani, du Cheikh Muqbil, de l'A'imma. Et kathir minhum, ils écoutent et ils reviennent. Ils font tawba, imma, ils ont lu un livre d'un imam, imma ils ont écouté un autre. On n'a pas besoin de se mélanger à eux. Enfin, fais attention à hada. Bardanas, ils font du jidal et ils appellent ça da'wa. Aïe, c'est bila ilm, c'est bila hujjaj. Kadhalika al-jidal, c'est pour nusratu, iyadan billah al-nafs. Il veut se montrer, il va avoir le dessus, Obama ça s'énerve, Obama ça parle très très mal. Imada hada. Ce qui pousse à hada, en haqiqa, c'est plusieurs choses. ومن هذه الأمور عياذا بالله أن الإنسان يحب الشهرة والظهور. بعض الناس يزام هذا يزام سو مونتخي يفو مونتخي كيسي عياذا بالله. كذلك الفراغ بعض الناس يزام غيان أفير vu qu'ils sont pas occupés لا par un عمل في الدنيا ولا par طلب العلم tout ce qui est lié au الدين ils perdent leur temps في هذا. كذلك التكلف, ça pousse à hada. Bard al-Nas, ils pensent qu'ils sont responsables de tout le monde. Mais si je ne lui parle pas, qui c'est qui va lui montrer? Au Bard al-Hum, ils disent, mais si on ne lui dit pas, il va s'égarer. Qui c'est qui t'a donné cette responsabilité? Innaka la tahdi man ahbab. S'il s'égare, c'est Allah qui l'a égaré. Amma anta, tu risques de rendre mal à ton cœur pour lui montrer, ça c'est pas min al-hikma. Ben, ça c'est min al-dha'af. ولهذا نحن دائما نكونسي ان افقر الاجتهاد في طلب العلم والاجتهاد في العمل اي tu n'es pas responsable des autres, fais des efforts, fais ta'wa, اطلب العلم et tu verras que باذن الله عز وجل ton ilm sera utile باذن الله عز وجل à beaucoup de gens, aux ignorants, à certains innovateurs et bien sûr à اهل السنه. قال ولا تجادلوهم فاني لا امن ان يغمسوكم في الضلال. La aman, il n'y a aucune garantie. Sahih. بعض الناس, ils parlent maintenant avec un rafidi. Al-rawafid, leur kufr, il est clair, leur égarement, il est wadih. Ma'a hada, ma'a al-jidal. La polémique. Wa kathrat al-kalam. Et, ayyadan billah, vouloir se montrer, le fait de lui parler, t'as aucune garantie que c'est toi qui vas le convaincre. Falimada. القدوم على هذا الشيء. Pourquoi s'avancer dans une chose qui peut être très très grave? قال او يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. Et peut-être même si الانسان il tombe pas dans l'égarement مثلا dans la secte de cet innovateur, ربما يلبس عليه, ربما il va te mettre des doutes. لان lui il a des doutes. البدعه c'est des doutes. Les innovateurs, leur voix s'est fondée sur les doutes. Pourquoi ils sont tombés dans l'innovation? C'est les doutes. Ils ne sont pas sûrs. C'est pour ça que les innovateurs, ils aiment bien polémiquer. Les mandats, les annahoum, ils ne sont pas sûrs. Et c'est pour ça que Sahib al-Haq, il n'a pas besoin de polémiquer. Les annahoum, il est à l'al-huda. Vous connaissez tous l'histoire avec l'imam Malik, rahmatullah alayhi. Quand Wahid, il est venu le voir et il lui a dit, on fait al-jidal, on fait al-niqash, on parle. Il lui a dit là. ثم il lui a dit, si j'ai le haqq, est-ce que tu me suis? Si tu as le haqq, est-ce que je te suis? Vous connaissez le qissa. L'imam Malik, il lui a dit, idhab. Et il lui a dit, va chercher ton din. Limada, il n'est pas sûr. Il n'est même pas sûr. Peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est l'imam Malik qui a raison. Il n'est pas sûr. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, il lui a répondu, il n'a pas besoin de polémiquer. L'imam, il est sûr. Tu veux le haqq, prends le haqq. Amma, on polémique pour voir qui c'est qui a raison. Ça montre la faiblesse. Et ba'dannas, ils sont ala hada. Au début, ils le disent, on parle, si tu as raison, je prends ton rôle, si tu as raison, ça c'est min al-dha'af. pas besoin de هذا. Le haq, il est dans le Coran ou le Sunna. C'est pas toi le haq. Donc, nous, d'aiment, on fait ta'wa aux gens. Revenez au Coran et à la Sunna. Pas besoin de prendre mon qawl ou ton qawl ou le qawl d'un autre. Reviens au Coran ou au Sunna et délaisse le bid'a. Délaisse le madhab al-Rafida, délaisse le madhab al-Khawari, le madhab al-Ikhwan, le madhab al-Soufiya, le madhab al-Asha'ira. Tu seras à l'akhir. Ma polémique, ça va changer quoi? Ça va changer rien du tout. C'est فقط المبتدع يلزم هذا لماذا لانهم يزون دوت قال رحمه الله او يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم وقد رواه الدارمي في سننه بنحوه وروى محمد بن الوضاح troisième référence ou la quatrième ma dire combien on en a cité كتاب البدع de الامام ابن الوضاح رحمه الله عليه من ائمه الاندلس. C'était un des imams de l'Andalousie, rahmatullah alayh. Et il a écrit une célèbre risala, Al-Bida'. Al-Bida' wa ba'dhum il appelle Wa-Nahi anha. Et il est ma'roub, le kitab Al-Bida'. Fa rawa qala bi-isnadi an il-Hassan, Al-Hassan al-Basri, annahu qala la tujalis sahib bid'ah, fa innahu yamrad qalbuk. Hada il est da'if an il-Hassan, fihi da'af. Non, al-isnadi un majhoul, il y a un matrouk. Dans l'isnad, il y a Layth ibn Abi Sulaym, il est ma'rouf, les ulama dha'afouh, ou achad min dhalik. Hada al-athar, il est dha'if an il-Hassan, lakin, la shakana al-ma'na, il est sahih. Et c'est exactement la parole d'Ibn Abbas. La tujalis ahlawa, fa innaha mujalisatun mumridatun il-quloub, wa huna qal, fa innahu yamrad qalbuk. Qala wa rawa ad-darimi fi sunanihi an il-Hassan, wa ibn Sirin. Al-Hassan ay al-Basri. Ibn Sirin, محمد الإمام رحمة الله عليه هؤلاء من أئمة السنة أنهما قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. Vous avez remarqué que tous ces أئمة ils font cette نصيحة لا تجالسوا. هؤلاء الأئمة ils ont plus de علم que nous et c'est incomparable. Ils avaient beaucoup plus d'expérience que nous, c'est incomparable. Ils voulaient le khayr pour les gens plus que nous on le veut pour Obama, pour nous-mêmes. وهذا لا شك فيه. Revenir à هؤلاء c'est مهم. هؤلاء disent tous لا تجالسوا لا تجالسوا لا تجالسوا. Enfin, on n'a pas le droit nous. On n'a pas le droit de essayer de faire des choses que هؤلاء ils ont pas fait. هؤلاء est-ce qu'ils ont fait دعوة? لا شك. C'est من أئمة الدعوة. الحسن البصري محمد بن السيرين قبلهم ابن عباس ابو قلابه son élève ايوب سفيان الثوري سفيان ابن عيينه الامام مالك الامام احمد الى اخره. هؤلاء من ائمه الدعوه من ائمه الاسلام لا شك ils ont fait da'wa en profit de leur ilm jusqu'à aujourd'hui. مع هذا ils parlent pas les bid'a ابدا. On a cité l'exemple de l'imam Malik, on peut citer avec l'imam Ahmed, on peut citer avec Mohamed ibn Sirin كثير. Mohamed ibn Sirin il a refusé d'écouter le Coran. واحد من المبتدعه مره il est venu. Et il lui a dit, « Ya imam, aqra alayka ahya. » Un verset. Hakada, ils sont le Mubtadi'a. Ou illa, si tu réfléchis, pourquoi le Mubtadi'a, il veut rester un verset à Mohamed ibn Sirin? Ça va lui changer quoi? Lakin, ils sont hakada. Kama wasafahum ba'du ala. Imma, c'est comme des aqarib. C'est comme des scorpions. Ou il veut que tu ftah le bab. Fais une parole, on parle que 5 minutes, il n'y a aucun mal. Thumma, si il voit que t'écoutes, et yatamakkan. عياذا بالله. فالإنسان يفهم لابو محمد بن سيرين رحمة الله عليه un verset il lui a dit voilà نصف آية même pas la moitié d'un verset. هكذا نحن doit être, on n'a pas besoin de parler. Et صحيح si tu réfléchis هو il te parle c'est pas pour accepter ton قول et أنت tu n'as pas besoin de sa parole. فلماذا perdre son temps? Et ربما هو il va dire des mauvaises paroles, أنت tu vas dire des mauvaises paroles et les deux vous prenez des péchés et à la fin toi tu restes sur ton قول et ربما tu as des choubas et lui il est toujours dans son innovation. Ça sert à quoi? Et on n'oublie pas une chose, anna, بعض الناس ils perdent leur temps, يجالسون أهل البدع et نقاش الجدالات, et ils font le hajar à leurs frères. Pourquoi t'aides pas tes frères? Fais-leur des durus si tu as du ilm. La langue arabe, le Coran, apprends-leur. بعض الإخوة, ils ont du mal à réciter. Donne du temps à tes frères, donne du temps à tes parents. Est-ce que tes parents, tu leur fais des durus? Tes parents, tu leur fais de ta'wa? Tes frères et sœurs, tes voisins? Ça montre à celui qui est occupé, il n'a même pas le temps. Belle. بعض العلماء بعض طلبة العلم تلما كسو كبير ils peuvent même pas faire دعوة ils peuvent pas donner du temps à tout le monde leurs frères أهل السنة عاد aller perdre son temps avec un munharif. قال رحمه الله غيبت قالوا لا تجالس أصحاب الأهواء ولا تجادلهم ولا تسمع منهم حتى السماع je n'ai pas besoin qu'est-ce qui va t'apporter et on peut citer قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ما من قوم ils étaient على الهدى لكن ils ont fait du jidal ils se sont égarés الجدال c'est من أسباب الانحراف الجدال c'est polémique كثرة الكلام et هنا on fait un tambih qu'on a déjà fait et qu'on répète أن on vit à une époque أن وسائل الجدال توسعت جدا à l'époque de هؤلاء il n'y avait pas de téléphone فضلا internet les réseaux sociaux il n'y avait pas tout cela Pour parler, quand tu étais chez toi, tu étais en sécurité. Quand tu sortais, Farubama dans le masjid, un mubtadi', dans la rue, un mubtadi', ils ont fermé la porte. Au masjid, ils ne leur parlaient pas, dans la rue, ils ne leur parlaient pas, et quand tu rentres chez eux, alhamdoulilah, ils ont préservé leur digne. Nahnou, même chez toi, tu n'es pas à l'abri. Chez toi, au milieu de tes enfants, et là, akhiré, si tu ne fais pas attention, des messages, et tu ouvres la porte, et iyadam billah, jidalat, et ça peut causer l'égarement. فالإنسان يحذر بعض الناس شغلهم الشاغل سي لي ريزو سوسيو يشيرش الجدال مثلا منحرف في ساكسا منحرف سان كونت دان اخواني او دان حزبي منحرف او دان رافضي او دان تبليغي وما ادري من سي لوي كونفوا لو ميساج مي تيل شوز ثم لوتر اي ريبون سي نورمال سي تنفوا ان ميساج سي بور كي تو ريبوند والا فلماذا تو لو انفوا ثم ان ثروازيام ان كاتريام والله بعضهم ساعات Qu'est-ce que tu as gagné à la fin? Il a été guidé. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as perdu ton temps. Et Robbana, بعد ذلك, ils envoient des messages aux savants, à certains frères. Tu penses quoi de Kada? Mais Kada, en fait, c'est les choubahs qui viennent de prendre. Et il veut se nettoyer. Les malades, tu t'es sali, Akhil Karim. Reste nazif, reste nazi. Préserve ton dit. Le temps que tu as perdu. Avec هذا 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, tu aurais pu faire une page de Coran, tu aurais pu faire des hadiths, tu aurais pu apprendre des choses à tes enfants, tu aurais pu faire du khayr. هذا المجالسة هنا c'est le مجالسة. À leur époque, bien sûr, il n'y avait pas les réseaux sociaux et l'akhiré. لكن les réseaux sociaux, c'est un نوع de مجالسة. لماذا لأن الحكمة de ne pas s'asseoir avec هؤلاء, c'est quoi قال ابن عباس فإن مجالستهم ممرضة للقلوب c'est ça الحكمة pour préserver ton cœur celui qui parle avec eux الآن avec les moyens modernes téléphone les réseaux sociaux et l'akhiré là chaque son cœur il peut tomber malade enfin c'est le même حكم لا تجالسوا ça englobe les deux فاحذروا هذا بل نحن نكونسيدا إما nos frères même le jidal avec ton frère pas besoin même avec ton frère sunni c'est pas la peine tu connais un frère tu sais que si tu parles Robama, ça va aller loin. Pas besoin. S'il y a une question, on revient à l'ilm. Alhamdulillah, on fait une recherche. La plupart des questions, très très vite, tu trouves la réponse. Et on s'arrête là. Le qawl, on l'accepte. Amma jidal. Et le but, c'est pas d'appliquer, ça sert à rien. L'anna, hatta entre frères, ça fait des problèmes. Et, wa'adun nas, ayyadun billah, butulu bihada. Et on a déjà conseillé. Et on a déjà propagé des fawa'id fi hada al-bab min kalam ahl al-ilm. Aïe sur al-jidal. في أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه عند قوله au départ sur الخصومات الجدال on avait détaillé قليلا celui qui veut التوسع في هذا قال رحمه الله وروى الدارمي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي وقال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله فالذين يخوضون في آيات الله أي cite des versets c'est pas pour appliquer واحد il va citer un istidlal qui est pas à sa place un deuxième il va citer une chose ثم l'autre le haq il apparaît clairement il le veut pas لماذا لأنه il veut montrer que c'est lui qui a raison personne veut accepter la fierté elle rentre shaitan il rentre هذا ça fait que du mal قال وروى محمد بن وضاح بإسناده عن إبراهيم النخعي الإمام رحمة الله عليه أنه قال لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم هذا كذلك فيه ضعف في سنده محمد بن طلحة لم يسمع من إبراهيم النخعي انقطاع entre هذا الراوي محمد بن طلحة إبراهيم النخعي دوك هذا فيه ضعف ولا شك أن مجالسة بعض الناس سبيتخ من أسباب الردة عيدا بالله مجالسة الروافض والقبوريين هؤلاء الإنسان إلى بعض علم لكوت سكلتيس ربما إلى ديتوت عيدا بالله ومجالسة الجهمية مجالسة المعتزلة هؤلاء سنة أقوال خطيرة جدا فالإنسان كي سميلونج هؤلاء فربما سنكو عيدا بالله يديبي سيكار كم من الناس عيدا بالله من المسلمين يزون دي أفكار دي زنادقة طعن في الإسلام الآخر لماذا؟ لأنهم يزون كوتوية دي كفار دي جويف دي كريتين دي ملاحدة يزون رنتري دان دي أحزاب avec les socialistes avec les communistes avec هؤلاء عيدا بالله بعضهم ارتدوا بكل وضوح بل بعضهم ils le disent أنهم c'est plus des musulmans c'est quoi la cause? C'est المجالسة ils ont été élevés par des parents musulmans ils avaient un minimum يؤمنون بالله ils étaient على الفطرة avec des faiblesses bien sûr, lakin al-mujalasa, le fait de fréquenter, khassatan dans les écoles, dans les universités, khassatan les hautes études, nharafu. Et en général, dans ce domaine, les hautes études, kathir, c'est des malahida, avec la philosophie, avec des afkar, iyadam billah, qui contredisent le din. Et ba'd al-muslimin, ils ont fréquenté haoula, et va'ou, nharafu, ils ont tout perdu, ils ont perdu leur din, iyadam billah. قال وروى بإسناده أي ابن وضاح عن سفيان الثوري أبو عبد الله الإمام من أئمة السنة أنه قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه هذا فيه ضعف كذلك دان إسنادها يعني مجهول لكن هذه المعاني يا أكن دوت أنها صحيحة أن سلو كيف خيكونت أهل الزيغ والبدع فربما يكون فتنة لغيره عيدا بالله ربما une choubha rentre dans son cœur et lui-même ça devient da'ila al-dhalal ça devient fitna pour les autres wa an yaqa fi qalbihi shay'un fayazill bih comme qala ibn abbas radiyallahu anhu jalasatuhum mumridatun lilqulub peut-être que iyadan billah un doute et on a déjà cité dans certains durus des exemples via da fal insan yahdhar ne te sens pas à l'abri ba'd al-a'imma zallu ba'd al-a'imma ils ont eu Ils ont eu des manquements, ils ont fait des erreurs dans certains bêbes à cause de l'mujalasa. Imma ta'atharu bi at-tashayyu' ou bi madhhab al-ash'ari ou d'autres choses. À cause de l'mujalasa. On n'est pas à l'abri. Préserve ton din. Qala, rahimahullah, wa rawa Abu Nu'aym fil hilya min tariq Furat ibn Sulayman. An Maymoun ibn Mihran, imam min a'immat al-sunnah. Il est ma'rouf, mashhour. قال ثلاث لا تبلون نفسك بهن لا تبلون أي من البلوى أي n'éprouve pas ton nafs avec trois choses أي fais attention à trois choses لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله ولا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله ولا تصغين بسمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه نصيحة جميلة الإنسان لا يأمن على نفسه les choses qui peuvent te faire du mal فابتعد فلهذا قال لا تدخل على امرأة fais attention de ne pas s'isoler avec une femme étrangère ربما au début c'est إشارة après كلمة après c'est des مصائب fais attention ولو c'est pour العلم كم من الناس Et on a eu un exemple il n'y a pas longtemps. Anna qui a été accusé de zina. Et il a avoué avoir fait zina. Iyadam billah ila akhari. Il est mada. Il a ouvert les portes à hada. Doros mixte. Thumma le numéro de téléphone. Thumma les mails, les messages, les rendez-vous. عياذا بالله اعترف بنفسه أنه وقع في الشر. C'est très très grave. لماذا؟ لأن الإنسان doit fermer les portes même pour العلم. لا même pour العلم أن الإنسان il fait des liens, ça peut être très très grave. ولا تصغين بسمعك. Et attention de ne pas prêter l'oreille à un munharif. لماذا؟ لأن l'oreille et كذلك la vue الحقيقة c'est المنفد إلى القلب. Le قلب c'est comme une maison, c'est comme une demeure. Cette maison, elle peut être remplie de bien ou de char, ou de mal. Pour rentrer, al-manfat, le conduit, la porte, c'est tes yeux et tes oreilles. Enfin, celui qui tend ses oreilles à ahl al-bida' et kadhalik qui regarde du haram, là, je sais que ces choses, ça rentre dans son cœur. فَلِهَذَا قَالَ وَلَا تَصْغِيَنَ بِالسَّمْعِكَ لِذِي هَوَى فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي. Tu sais pas ما يعلق بقلبك منه أي ما يتعلق في قلبك tu sais pas. Léna, tu vas écouter, t'as ouvert la porte. T'as ouvert la porte. Ton cœur c'est le foyer, l'oreille c'est la porte. T'as ouvert la porte. Dhaq, le mubtadi, il va parler. Ma tadri, c'est quoi qui va rentrer et c'est quoi qui va sortir. Qu'est-ce qu'il va dire Allahu a'lam? Ça va rentrer, Allahu a'lam. Est-ce que ça va rester dans ton cœur? Amla, falima d'apprendre ce risque. C'est comme si wahed, et personne ne fera hada, c'est comme si wahed, il ouvre chez lui et il laisse tout le monde rentrer et sortir. Mada tatawqa? Hada, il va voler, hada, il va insulter, hada, il va regarder, hada. Chez toi, là, tu dois fermer, tu dois préserver, tu laisses rentrer que ceux que tu connais, il a akhri. Ton cœur, c'est a'zam. Et même si quelqu'un rentre dans ton foyer, il va voler une chose, il va. L'amr sahl, ce qui va voler, tu vas le racheter. Alhamdulillah, on n'en parle plus. Amma qalbuk, comme a dit Abu Qilaba, akhsha la aman plutôt, an yaghmisukum fi dhalal. Si cette chose qui reste dans ton cœur se mène à l'inhiraf, min ad-dhalal, comment tu fais? Il n'y a pas de docteur pour soigner ça. Tu ne peux pas aller à un médecin payé là. Al-alim, même tu lui demandes où il va te faire une nasiha. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous approcher de ha'oula. Fala tarkanu. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumu an-nar. Wala shakanna anna ahl al-bid'a c'est des zalama. Zalamu anfusahum. Wa zalamu al-muslimin. Ils ont été injustes envers eux-mêmes et injustes envers les croyants avec toute leur bid'a. Fala tarkan ila ha'oula. Ar-rukun, c'est le fait de se pencher et se rapprocher. Enfin, on a des adillah fil Qur'an. Nahnu li kalam. Cheikh Hamoud, il a cité des paroles de salaf. Voyez là, cette mesala, on l'a déjà traité. Il y a des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fahdharouhum. Akada qal, nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qal, fahdharouhum. Faites attention. Mettez en garde. Prenez garde. Qal, wa rawa Muhammad ibn Wadhah, bi isnadi an al-awza'i, qal, kanat aslafukum, tashtaddu alayhim al-sinatuhum, wa tashma'izzu minhum qulubuhum, ويحذرون الناس بدعتهم. Ça c'était حال السلف. كانت أسلافكم تشتد عليهم السنتهم. Ils étaient قوي. Ils étaient شديد على أهل البدع. Ils n'avaient pas ouvert une porte de ضعف. C'est pour ça qu'ils ont préservé leur دين. C'est pour ça que le بدع était très très très très limité à l'époque des سلف. Le بدع a apparu à cette époque. Pourtant c'était les رؤوس, c'était les têtes. الجهم بن صفوان ومعبد الجهني وواصل بن عطاء. هؤلاء من رؤوس الانحراف. لكن vu que le مجتمع il était قوي, أئمة السلف, ils avaient هذا المذهب, هذا المنهج, la bid'a restait très très restreinte. نحن on vient à une époque, le ضعف, جهل, إلى آخره, les gens ils ont ouvert les portes. Il est chez lui, il parle avec un rafidi. À l'époque tu ne pouvais pas. مثلا نحن, alhamdulillah, dans ce pays il n'y a pas de rafid, tu ne peux pas parler à un rafidi directement. Aujourd'hui, si tu fais pas attention et tu ouvres les portes à tout le monde, Obama sur les réseaux sociaux et tu t'abonnes et t'as un ami Rafidi, te parle et un jour, iyadam billah, tu as des doutes. بعض ذكروا أن بعض في فرنسا, en France, بعض الإخوة, c'est devenu des Rafid. لماذا؟ لأنهم ils avaient des liens sur Internet. واحد ils l'ont interrogé là, c'est un Rafidi, il a insulté Aïcha, comme nous, un frère de France. Il a insulté Aïcha, Abou Bakr, Omar, tout le monde. لماذا؟ لأنه c'est devenu un Rafidi. Il a rencontré al-Khabith, Yasser al-Habib, al-Munharif, al-Mujrim, al-Zindiq. Il insulte Aïcha, il insulte Abu Bakr, un Rafidi, un Khabith. Il a rencontré Hada. C'est un musulman de France. À l'époque, sans les réseaux sociaux, en France, tu n'avais pas accès à, tu ne pouvais pas parler à Haoula. Al-An, c'est devenu un rafid. Il faut faire attention. Faire attention et nahmadullah ala sunnah. Qala wa rawa aydan. Ay ibn Wadah. Qala akhbarani ghayru wahidin. أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات من أئمة السنة. أسد بن موسى il a écrit à أسد بن الفرات. Les deux ils s'appelaient أسد. Donc أسد بن موسى il a conseillé son frère أسد بن الفرات. إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. Ça, ça nous montre أن السلف donnait de l'importance à هذا. فلا تغتر ببعض المبيعين. بعض المميعين quand واحد يبارل دو هذا il met en garde contre le bid'a, il les accuse d'être متشدد, d'exagéré. Ça c'est من مذهب السلف, لكن il faut le faire convenablement. Convenablement, il met en garde contre أهل البدع, pas contre أهل السنة. فنصيحة جميلة. قال إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. كما تقدم, أي le fait de ne pas les fréquenter. فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة أي ربما ينحرف. الإنسان اللي بقى معصوم, لكن هنا المعنى والله أعلم أن الإنسان اللي على خير اللي على السنة فسي يسكسبوز أي كتية ساسوا عفقيقة مبتدع ربما يسقع. قال ووكل إلى نفسه ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام. نعم, لأن البدعة ça contredit des points de notre dîn. Ils ont inventé des choses qui contredisent des shara'i' de notre dîn. وَقَدْ وَقَعَتْ أَلَّعْنَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا أكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلْ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَلَا فَرِيضَةً وَلَا تَطَوُّعًا وَكُلَّمَا زَادُوا اجْتِهَادًا وَصَوْمًا وَصَلَاةً ازدادوا من الله بعدا فارفض مجالس مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كلام إلى علق على هذا الأثر فقال في مجموع رسائله واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف وفي معادات أهل البدع والضلال قال في ضلالة لا تخرج عن الملة. نعم, لأن قد يقول قائل هنا سيد المسلمون فكيف يقول أن الله عز وجل لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريدة ولا تطوع. سيد المسلمون même s'ils ont fait des bid'a, leurs œuvres, elles ne sont pas annulées. La bid'a qu'ils font, na'am, ils auront des comptes à rendre, et s'ils ont voulu se rapprocher d'Allah avec une bid'a, ce n'est pas accepté. Amma huna le kalam, anna Allah, il n'accepte rien d'eux. Faqala, et ta'liqan ala hada, na'am, qala, lakinnahum shaddadu fi dhalik wa hadharu minhu li amrayn. On a cité hada le kalam, lianna ya'ti ma'akum rubbama, في هذا الكتاب أو dans d'autres بعض كلام السلف في شيء من الشدة contre أهل البدع. مثلا مثل هنا أن الله لا accepte pas de leur عمل إلى آخره. Pourtant ce مبتدع, si c'est un مبتدع qui sort pas de l'islam, ça reste un musulman, mais c'est un مبتدع. فهنا قال deux points tu dois comprendre حتى تفهم هذا الكلام. قال أولا غلظة البدعة في الدين في نفسها فهي عندهم كأنه أجل من الكبائر أي أعظم أكبر من الكبائر. قال ويعاملون أهلها أغلظ مما يعاملون أهل الكبائر. أولا هذه الغلظة pourquoi ils ont eu ces mots durs envers le مبتدع pour fermer la porte. لأن البدعة c'est très très grave. البدعة c'est pas un simple péché, c'est plus grave que les grands péchés. فلا شك أن السلف ils employaient ces mots durs حتى المسلمون ils font attention. قال الثاني deuxième point أن البدع تجر إلى الردة الصريحة. أن البدعة عيادا بالله سين بخت في الحقيقة سين شمان كمن على مكريانز كم من الناس يبتدعوا ثم كفروا. فلهذا بعض السلف يزون يسمو دور وإلا فمذهب أهل السنة أن البدعة سديفيزان دو بدعة كفرية وبدعة غير كفرية مفسقة c'est du fisq ça fait pas sortir de l'islam نعم فكلامه نعم c'est un مبتدع qui sort de l'islam مثل الرافضة مثل الجهمية نعم ولعل المراد c'était هذا لأن أهل البدع comme الروافض الجهمية c'est le مبتدع c'est des كفار c'est des زنادقة فهذا وإلا si ça reste un مسلم il a fait une بدعة فلا شك أن مذهب أهل السنة أن المسلم ses œuvres elles sont acceptées نكتفي بهذا et Inch'Allah Ta'ala, on essaye de finir le prochain cours. Baqi ya madri, est-ce qu'on va réussir à finir le prochain cours ou encore deux cours? Mouhim, on essaye de finir la semaine prochaine. Bidawfiqillah Azza wa Jal. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.